Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radioactive avec Lilian. Donc je suis actuellement à la Maison de la Loire en compagnie de Thierry Poli, qui est coordinateur de la Maison de la Loire à Mont-Louis. Donc tout d'abord, bonjour Thierry. Bonjour. Vous souhaitez nous présenter votre prochaine sortie atelier qui aura lieu le samedi 14 décembre. Elle se nomme Petite Histoire Géologique du Coin. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire un peu plus ? Alors, écoutez, cet atelier, donc, il a pour but d'attirer un petit peu les gens sur la géologie, mais surtout sur la géologie locale, et particulièrement la roche qui est tellement présente, Mont-Louis, Amboise, qu'on appelle le tuffeau. À qui s'adresse cet atelier ? Plutôt aux débutants, aux confirmés ? Moi, je dirais que nous sommes des vulgarisateurs, donc nous ne sommes pas des géologues. Néanmoins, je dirais que c'est une sortie qui, pour beaucoup, pourrait être considérée comme étant un petit peu rébarbative ou indigeste. Donc, c'est plutôt pour les adultes et pas pour les enfants. Mais le but, c'est quand même de créer une certaine curiosité. Oui, tout à fait. Comme toutes nos animations, le but, c'est de faire en sorte que les gens aient une attirance pour les milieux naturels, la Loire et le patrimoine. Donc, sur les affleurements géologiques dans notre région, je dirais que les roches ne sont pas forcément attirantes. Ce qui attire souvent les gens, c'est la présence de fossiles. Et ils sont relativement peu nombreux dans les affleurements que nous avons ici. Donc, en fait, le but, c'est d'essayer de montrer comment une roche qui paraît, entre guillemets, assez fade, inerte, a une histoire passionnante, une histoire très ancienne, qui est bien avant l'homme et dont les échelles de compréhension et de durée ne sont pas des échelles humaines. Quelles activités y aura-t-il au programme lors de cet atelier ? Alors, sur à peu près 2 heures, voire un petit peu plus, donc on accueille le public, bien sûr. La première partie, ça se déroule dans la cour de la Maison de la Loire, puisque la Maison de la Loire est dans le lit majeur, au pied du coteau de la rive gauche, et puis entre le coteau de la rive gauche et la Loire. Et donc, on va un petit peu parler de ce coteau qui est présent à la Maison de la Loire. On va parler notamment de son rôle écologique, parce qu'il a un rôle écologique envers la Loire, un rôle d'habitat notamment. Il a aussi une histoire. Pas oublier que la Maison de la Loire, c'est une ancienne maison de négociants en vin, avec des caves. On va en parler un petit peu. Et puis, surtout, il faut comprendre qu'on ne pourra pas le toucher pour des raisons de sécurité, parce que c'est vrai que cette zone-là, elle est relativement peu sécurisée. Mais néanmoins, on va en parler aussi de son instabilité. Donc, la première partie, c'est dans la cour de la Maison de la Loire. Ensuite, on sort et on va visiter, en fait, se promener devant un affleurement qu'il y a tout près de la Maison de la Loire, pour essayer de voir un petit peu cette roche qu'on appelle le tuffeau, mais aussi les roches qui sont au-dessus. Et puis retour à la Maison de la Loire, dans l'atelier. Et dans l'atelier, on présente un certain nombre de roches, de fossiles, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé sur Turonien, c'est-à-dire cette partie du temps géologique qui est en fait toute petite, mais qui donc montre que la mer, dite mer de la craie, a évolué et a donné des roches différentes. Donc là, on va essayer de faire comprendre ce qu'est la craie marneuse, la craie, ce qu'est le tuffeau blanc, qu'on appelle encore la pierre de bourré, ou la craie micacée, et puis le tuffeau jaune qui affleure à Mont-Louis, à Roche-Corbon, pour montrer qu'en fait ce sont 3 roches de faciès et de nature, de composition différentes, qui sont en lien avec l'évolution de la mer de la craie à la fin de l'ère secondaire. Et donc ça permet de voir quelques échantillons, de les toucher, de mieux comprendre un petit peu ce qui nous entoure dans notre paysage, parce que nous sommes dans une ville qui regorge de pierres anthropiques, dans nos murs, dans nos maisons, dans nos châteaux, mais c'est pas pour autant qu'on va vers cette histoire géologique, en fait. Et ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de rendre curieux le public pour qu'il ait un regard autre sur des pierres qui pourraient croire n'avoir rien à dire. Donc on le rappelle, c'est donc le samedi 14 décembre, ce sera à quelle heure ? 14h30, le rendez-vous est donné à la Maison de la Loire, alors surtout sur réservation, sur LOASO ou par téléphone. 02 47 50 97 52. Et pour ce qui est des tarifs ? Alors, les tarifs sont les suivants. Pour les adultes, 8 euros. Pour les étudiants demandeurs d'emploi et enfants, 6 euros. Et pour nos adhérents, 5 euros. Donc on le rappelle, vous pouvez trouver toutes les informations que vous souhaitez sur le site de la Maison de la Loire à Mont-Louis. Petite histoire géologique du coin, le samedi 14 décembre à la Maison de la Loire de Mont-Louis. On remercie Thierry Poli pour cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous et puis bonne journée sur Radioactive.